السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول الحافظ النووي رحمه الله في الحديث 32 عن أبي سعيد ابن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. Le hadith numéro 32, d'après Abu Sa'id Malik ibn Sinan al-Khudri radiyallahu anhu, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne faites pas de mal et ne rendez pas le mal par le mal. Hadithun hasanun. Ce hadith, donc les propos du messager sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, la darara wa la dirar, ne faites pas de mal et ne rendez pas le mal par le mal, ont été expliqués par les gens de science par plusieurs sens. Parmi cela, il est que le hadith contient une information à travers laquelle il est voulu un ordre. Donc dans sa parole sallallahu alayhi wa sallam, la darar wa la dirar, donc ceci a une forme d'information à travers laquelle il est voulu un ordre. C'est-à-dire un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas nuire ibtida'an, c'est-à-dire au départ, dans sa parole, la darar. Donc, de ne nuire à personne, ni à sa personne, ni à sa propre personne, ni à autrui. La darar. Donc, mais au contraire, que le musulman accourt à profiter aux gens. À profiter aux gens, comme il a été rapporté dans le hadith, que les personnes les plus aimées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala sont celles qui profitent le plus aux gens. فَهُنَا الْمُسْلِمْ نُهِيَا عَنِ الدَّرَرْ. Donc le musulman ici, il lui a été interdit de nuire. لَا دَرَرْ. Et quant à sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, وَلَا دِرَرْ, donc il a été dit, le sens ici est de ne pas nuire, donc non plus, de ne pas nuire non plus aux gens, mais cette fois-ci en récompense du mal qui peut nous parvenir de leur part. لَا دِرَرْ. Donc que celui à qui on a fait du mal ne répond pas ou ne rétribue pas ce mal par un mal, mais à l'inverse, qu'il repousse cela par le bien. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, d'après le sens du verset, « Idfa' billati hiya ahsanu sayyi'a » repousse le mal par ce qui est de meilleur. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit, « Ne trahis pas celui qui te trahit. » Donc ici, deux ordres. Premièrement, de ne pas nuire aux gens ibtida'an, donc au départ, ni à sa personne, ni aux gens. Deuxièmement, de ne pas rendre le mal ou de ne pas nuire en réponse à un mal qu'on a reçu. Donc cela fait partie des comportements immenses, desquels découlent d'immenses profits et récompenses, en plus du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a promis à celui qui a ce genre de comportement, celui qui adopte ce noble caractère, qui est le fait de repousser le mal par un bien, d'énormes récompenses, comme dans sa parole subhanahu wa ta'ala qui nous dit, d'après l'essence du verset, et quiconque pardonne et réforme, alors ses récompenses incombent à Allah. Donc quiconque pardonne, donc après qu'il ait reçu un mal, et réforme, donc alors ses récompenses incombent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous dit aussi, subhanahu wa ta'ala, d'après l'essence du verset, وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Et n'atteint cela que ceux qui endurent, et n'atteint cela que ceux qui ont reçu une part immense. Et tout comme cela est aussi une cause pour repousser le mal de Shaitan, et une cause qui permet de répandre l'amour qu'il y a entre les croyants, et de renforcer les liens qu'il y a entre les croyants. Car celui qui repousse le mal par un bien sera la cause de repousser l'adversité ou le mal que Shaitan a pu semer ou jeter entre les musulmans. Allah nous dit d'après l'essence du verset, repousse le mal par ce qu'il y a de meilleur, et voici que celui dont il y avait une adversité entre toi et lui se retrouve comme un allié intime. Donc le fait que la personne repousse le mal par le bien fait partie des nobles comportements auxquels a appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et une chose de laquelle découle d'immenses profits, comme cité. Le noble Shaykh Salih ibn Fawzan, hafidhahullah, nous dit en commentaire de ce hadith, cela est donc une immense règle dans les comportements et la manière de se comporter avec les gens. Il incombe donc à la personne de s'écarter des nuisances faites à autrui, la darar, que cela provienne de lui au départ, ou bien pour se venger d'une personne qui lui a causé du mal, wala darar. Le musulman chemine donc sur cela, et il sera aimé auprès d'Allah et auprès des gens. Donc, que la personne s'écarte de toute nuisance envers autrui, envers sa personne ou envers autrui, en se rappelant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a aussi dit, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère, ce qu'il aime pour sa propre personne. ثم يقول الحافظ النووي رحمه الله في الحديث الثالث والثلاثين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين. Le hadith numéro 33, d'après Ibn Abbas, radiallahu anhuma, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, si on accordait aux plaideurs l'objet de leur demande, il y en aurait qui auraient prétendu au bien et au sang d'autres personnes. Mais il incombe à celui qui prétend un droit d'apporter la preuve, et il incombe à celui qui nie un serment. Hadithun hasanun. Ce hadith est aussi donc une règle concernant le chemin, les manières à adopter lors du jugement entre les gens, عند القضاء. Que cela provienne d'un juge ou d'une personne qui vient tout simplement réformer ou réconcilier entre les gens. Donc ce hadith nous montre la manière que doit emprunter le juge ou la personne qui souhaite réformer, réconcilier entre des gens qui se disputent ou qui se réclament des droits les uns les autres. Ibn Daqiq al-Aid rahimahullah a dit concernant ce hadith, et ce hadith est un fondement parmi les fondements des jugements, et il est la plus immense référence lors des divergences et disputes, et il exige qu'il ne soit jugé pour aucune personne pour ce qu'il prétend. Donc ici, toute personne qui souhaite juger entre deux personnes doit suivre, emprunter le chemin qu'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith. Puis il nous dit, Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a certes expliqué dans ce hadith que s'il était donné à chaque personne ce qu'elle prétend contre autrui, alors cela aurait mené que certaines personnes prétendent les biens et le sang des gens. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a éclairci ce qui viendra trancher entre les gens dans cela, qui est de demander la preuve à celui qui prétend une chose. Donc ici, premièrement, de demander à celui qui prétend un droit sur son frère, dans ses biens ou dans son sang ou autre, la preuve. Al-bayyina ala al-mudda'i. Puis il nous dit, rahimahullah, et la preuve est toute chose qui éclaircit la vérité et l'indique, comme témoin ou indice ou autre. Donc ici, la personne qui prétend un droit doit avoir avec elle une preuve, si la personne qui est en face renie ce droit-là. Donc une preuve qui sera soit un témoin qui vient juger pour lui, ou bien un indice, comme par exemple, si la personne prétend qu'on lui a volé telle ou telle chose, et que la chose qu'elle prétend qu'on lui a volée se trouve en possession de celui qu'elle accuse. Donc la personne doit avoir un témoin ou une preuve ou autre qui vient montrer la véracité de ce qu'il prétend. Puis il nous dit, rahimahullah, et si donc il apporte la preuve, il sera donc jugé par elle contre celui qui est accusé. Donc si jamais il a une preuve, cette preuve sera pour lui contre la personne qui l'accuse. Et s'il n'a pas de preuve, alors il est demandé à l'accusé de jurer. Donc, une fois que la preuve a été demandée à celui qui prétend un droit, s'il apporte la preuve, cette preuve sera pour lui, permettant de juger contre l'accusé. S'il n'a pas de preuve, alors l'étape suivante est de demander à l'accusé de jurer. Puis il nous dit, rahimahullah, s'il le fait, il sera alors disculpé, donc l'accusé. Et s'il refuse de jurer, alors ce que prétend celui qui l'accuse lui sera obligatoire. Indaha kalamu rahimahullah bimana kalamihi. Donc, si jamais il refuse de jurer, alors il lui sera obligatoire de se soumettre à ce par quoi il a été accusé, car il a refusé de jurer. Et si jamais il a juré, par contre, alors il sera disculpé et bari'at sahatuhu. فهذه الخطط, donc voici les moyens, les chemins que doit emprunter la personne qui est amenée à juger ou à réconcilier une chose qui s'est produite entre deux personnes qui se disputent des droits. Fa, il demande à la personne qui accuse d'apporter al-bayyina, dans le cas où la personne qui a été accusée renie cela. Si jamais la personne a al-bayyina, la preuve, alors elle sera jugée pour elle. Si elle n'a pas de preuve, l'accusé devra jurer qu'il n'est pas coupable. S'il accepte, alors il sera disculpé. S'il refuse, alors à ce moment-là, il sera jugé contre lui, car il a refusé de jurer à propos de son innocence. Wahuna, nous finissons par une parole citée par le noble savant, le cheikh Abdel Mohsin al-Abbad, hafidhahullah, qui nous dit: tout comme celui qui prétend une chose doit en apporter la preuve pour ce qu'il prétend parmi les choses mondaines, donc comme cité au-dessus, il incombe à celui qui prétend des choses revenant à l'au-delà d'en apporter la preuve. Quiconque donc prétend aimer Allah et son messager sera véridique dans ce qu'il prétend s'il suit le messager sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah le Très-Haut nous dit, d'après l'essence du verset, dit: si vous aimez Allah, alors suivez-moi. Allah vous aimera et vous pardonnera vos fautes. Surat Ali Imran, verset numéro 31. Puis il nous cite, hafidhahullah, la parole de l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, qui nous dit à propos de ce verset. Dit: si vous aimez Allah, alors suivez-moi, Allah vous aimera et vous pardonnera vos fautes. Il nous dit, rahimahullah, ce verset est une preuve contre toute personne qui prétend aimer Allah alors qu'il n'est pas sur la voie prophétique. Il est certes menteur dans cela, jusqu'à ce qu'il suive la législation avec laquelle est venu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et la religion prophétique dans toutes ses paroles et ses œuvres. Comme cela est confirmé dans le hadith authentique, d'après l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: Quiconque accomplit une œuvre dont nous n'avons pas donné l'ordre, alors cela est rejeté. إلى آخر ما قال رحمه الله. هذا والله أعلم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يتوب علينا إنه هو التواب الرحيم. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت وقنا سيء الأخلاق والأعمال فإنه لا يقي سيئها إلا أنت. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.